vois, de chanson, bah... Tu vois, si j'aurais commercialisé mon album, ça serait un peu la chanson que tout le monde bouge son corps, mais je vois, on se met à danser. Tu vois, j'aurais été number one un peu dans les clubs et tout, danserais sur mon son en boîte et tout. Ouais. Enfin non, en fait. Ouais, non, oui, laisse tomber. Sur cet instru électro, je me suis dit, nique sa mère, j'ai qu'à partir en impro. Et comme par hasard, à ce moment-là, plein d'idées. Je prends un crayon, un pétard, et me penche sur ma feuille en papier. Je te mets le son derrière, et je passais, cher, bien, mais rien à faire. Une inspiration qui vient, ma tête se met à balancer, de gauche, puis de droite, au rythme de vite des synthés, des snares et des claps. C'est bon, je crois que tu peux sur mon sang quand même.